Plotin, Énéade, première Énéade, 9. Du suicide. Traduction Bouillet. Il ne faut pas faire sortir par violence l'âme du corps, de peur qu'elle ne sorte en emportant quelque chose d'étranger, c'est-à-dire de corporel. Car dans ce cas, elle emportera cet élément étranger en quelque endroit qu'elle émigre. Par émigrer, j'entends passer dans un autre séjour. Il faut au contraire attendre que le corps tout entier se détache naturellement de l'âme. Alors, celle-ci n'a plus besoin de passer dans un autre séjour, elle est complètement délivrée du corps. Comment donc le corps se détache-t-il naturellement de l'âme? Par la rupture complète des liens qui tiennent l'âme attachée au corps, par l'impuissance où se trouve le corps d'enchaîner l'âme, l'harmonie en vertu de laquelle il y avait la puissance étant complètement détruite. Quoi donc? Ne peut-on se dégager volontairement des liens du corps? Non. Quand on emploie la violence, ce n'est pas le corps qui se détache de l'âme, c'est l'âme qui fait effort pour s'arracher au corps. Et cela, par un acte qui s'accomplit non dans l'état d'impassibilité qui convient au sage, mais par l'effet du chagrin, de la souffrance ou de la colère. Or, un tel acte est illicite. Mais si l'on sent approcher le délire ou la folie, ne peut-on les prévenir? D'abord, la folie n'arrive guère au sage. Ensuite, si elle lui arrive, il faut mettre cet accident au nombre des choses inévitables qui dépendent de la fatalité et relativement auxquelles il faut se décider moins d'après leur bonté intrinsèque que d'après les circonstances. Car peut-être le poison auquel on aurait recours pour faire sortir l'âme du corps ne ferait-il que nuire à l'âme. S'il y a un temps marqué pour la vie de chacun de nous, il n'est pas bon de prévenir l'arrêt du destin, à moins qu'il n'y ait nécessité absolue, comme nous l'avons dit. Enfin, si le rang que l'on obtient là-haut dépend de l'état dans lequel on est en sortant du corps, il ne faut pas s'en séparer quand on peut encore faire des progrès.